Chapitre 11. Sabin à Essonne, mes amis à Chantemerle. On arrivait à Essonne. Il était 2 heures de l'après-midi. Sabin s'arrêta près d'un cabaret borgne où il entra seul. Moins de 5 minutes après, il reparaissait aux yeux de mes amis dans un maillot couleur de chair et n'ayant pour tout vêtement qu'un petit caleçon rouge orné de paillettes d'or. Des bottines également rouges et pailletées d'or lui maintenaient gracieusement le pied, et un cercle d'or lui saignait la tête. Mes amis furent éblouis. Ces splendeurs les fascinèrent, au point que le jeune saltimbanque leur semblait un fils de roi. Il partit, jouant du fifre à travers les rues, et faisant porter par César, que cette marque de confiance honorait infiniment, le sac que vous connaissez. Aimé suivait avec Balthazar. Cela faisait un effet prodigieux. Tout le monde se mettait aux portes et aux fenêtres pour les voir passer. Bientôt, les gamins, accourant de tous côtés, leur formèrent en moins d'un instant une escorte des plus satisfaisantes. Tout cela en boitant le pas derrière Sabin et marchant au son du fifre, parcourut le bourg dans tous les sens et après être monté jusqu'en haut de la rue principale, redescendit pour venir s'arrêter sur le pont où un cercle d'une certaine importance se forma autour du jeune saltimbanque, lequel, prenant une pose olympienne, fit alors son boniment. « Mesdames et messieurs, dit-il avec une galanterie de bon goût, j'ai l'honneur de vous présenter en ma personne le fils de l'illustre Lucifer, qui vous a honoré l'année dernière de sa visite et n'a pas dédaigné d'exécuter dans vos murs les tours merveilleux qui ont fait sa fortune et porté son nom victorieux dans les 6 parties du monde. Vous êtes trop au courant des progrès de la civilisation, mesdames et messieurs, pour ignorer que depuis la découverte de la Californie, le monde se divise en 6 parties. Murmure dans l'auditoire qui signifie « Parbleu, si on sait cela ». L'accueil qu'il reçut de vous, reprit Sabin, l'appréciation supérieurement intelligente que vous fîtes de ses talents, vous ont rendu cher à son cœur. Et aujourd'hui, qu'il se repose sous les lauriers si noblement acquis, parmi ses nombreux souvenirs, celui qu'il évoque avec le plus de plaisir, c'est le vôtre. Il aime à se dire que nulle part dans ce vaste univers qu'il a parcouru dans tous les sens, ainsi que nos planètes, grande admiration dans l'auditoire pour ce voyageur intrépide, il n'a rencontré des hommes plus courageux, plus intelligents, plus hospitaliers, plus généreux, plus instruits et plus forts, oui, plus forts, que dans cette charmante petite ville, qui mériterait bien d'en être une plus grande. Lui, qu'on a surnommé l'Hercule moderne, il a rencontré ici pour la première fois des hommes qui lui ont tenu tête, et qu'il n'a pu vaincre qu'après une lutte de quelques secondes. Tous les hommes présents se regardent en ayant l'air de se dire les uns aux autres « Est-ce que c'est toi ?» Quant à moi, mesdames et messieurs, la nature m'ayant refusé les dons nécessaires pour marcher sur les nobles traces de mon illustre père, ce n'est donc pas par les mêmes moyens que j'essayerai de vous charmer, non, c'est tout simplement par des exercices de précision et d'adresse que je veux enlever vos suffrages. Avez-vous des oranges? Qui d'entre vous me donne 6, 12 et même 15 oranges? Personne n'a d'oranges? Alors, mesdames et messieurs, je vais m'en passer. Il faut savoir se contenter de ce qu'on possède et tirer parti de ses propres ressources. Sabin joua encore du fifre, puis, sans doute pour donner au retardataire le temps d'arriver, il perdit quelques minutes à disposer sur le sol un tapis en serge verte. Enfin, se décidant à commencer, il jongla d'abord avec des balles recouvertes d'un métal si brillant qu'Aimé pensait qu'elles étaient en argent massif. Il commença par en prendre 2 seulement, puis 4, puis 6, puis 10. Il les envoyait et les recevait d'abord avec les mains, puis elles lui tombèrent sur l'avant-bras, sur les épaules, sur les cuisses, sur la poitrine, sur la tête. Il en était environné. C'était vraiment merveilleux, et la foule applaudissait de bon cœur. Après cet exercice, vint le tour du bilboquet. Il joua d'abord avec une seule bille, puis avec 2, puis avec 3, puis avec 4. Il abandonna ses premières, qui étaient petites, pour en prendre de plus grosses, lesquelles fussent délaissées à leur tour pour de plus grosses encore. Enfin, avec une adresse étonnante, incompréhensible, il jongla sans même se faire une égratignure avec une 30 de petits poignards pointus et affilés comme des stylets. Malgré tant de savoir-faire et l'enthousiasme de la foule, il ne tomba que quelques sous sur le tapis de Serge, 25 au plus. Sabin déçu fit entendre un juron formidable et traita tout haut d'imbécile ce bon public qu'il flattait en si bons termes quelques minutes auparavant. Heureusement pour lui, tout le monde était parti et nos amis seulement l'entendirent. « Baste, dit-il enfin pour se consoler. « Nous recommencerons demain, et la recette sera meilleure. » Il n'y avait là que des femmes et des vieillards, un tas d'infirmes qui n'entendent rien aux distractions de l'esprit, et s'imaginent que je suis encore trop heureux de les avoir amusés. Mais qu'importe, 25 sous, c'est toujours du pain pour ce soir. Nous coucherons où nous pourrons. » Il replia bagages, et on retourna au cabaret, mais silencieusement, et ayant au fond le cœur assez triste. Il me serait difficile, mes petits lecteurs, de vous dire bien au juste ce qu'éprouvaient César et Aimé dans la société de M. Sabin, et les pensées qui occupaient leur jeune esprit. Malgré la perspective énivrante de devenir domestique dans des maisons où il n'y aurait rien à faire, ils n'étaient peut-être pas complètement rassurés sur l'avenir. Quant au présent, ils avaient lieu de s'en plaindre, mais ils n'en avaient pas le temps. Sabin les étourdissait. Cependant, quoiqu'ils fussent peu aptes à réfléchir, il leur était déjà venu à l'esprit que le père Antoine n'approuverait pas qu'on fît société avec ce garçon, qui avait à l'endroit du travail une manière de voir si originale, et ne professait qu'un respect excessivement médiocre pour le bien d'autrui. Balthazar, vu son âge sans doute, avait le jugement plus sûr et plus formé, et jusqu'alors il s'était tenu à distance de Sabin. Malheureusement, le pauvre caniche adorait les paillettes et le clinquant. On n'est pas parfait, et à peine eut-il aperçu le jeune saltimbanque dans son costume de théâtre qu'il lui fit toutes sortes d'amitiés. Pauvre Balthazar! Cette faiblesse devait lui coûter cher. Le lendemain, faute d'argent, il fallut se passer de déjeuner. Mes amis, pour tuer le temps, se mirent à errer dans les environs d'Essonne. Le hasard les conduisit du côté de Chantemerle, où sont réunis un grand nombre d'usines appropriées aux productions les plus diverses, telles que fabriques de tissus de fil et de coton, impressions sur étoffe, laminoirs, fonderies, etc., etc. Ils se rencontrèrent avec des enfants qui jouaient sur la route et s'arrêtèrent pour les regarder. Lorsque la partie fut achevée, un de ces enfants s'approcha d'eux. « Qu'est-ce que vous faites, vous ?» leur demanda-t-il. « Rien pour le moment. « Alors, vous cherchez votre pain ?»« Oh non, ne mentez pas, ça se voit, vous mendiez. »« Pour ça, non, » dit César, « nous n'en mendions pas, et nous ne voulons pas mendier. »« Vous avez donc des rentes ?»« Non. »« Non ? Eh bien, comment vivez-vous donc ?»« Nous cherchons de l'ouvrage. »« Est-ce bien vrai, ça ?»« Mais oui, c'est bien vrai. »« Alors, vous voulez travailler ?»« Sans doute. »« Sans doute. »« Vous ne dites pas cela avec beaucoup d'ardeur. » C'est égal, on entre à la fabrique, venez voir un peu. Je gagne 75 centimes par jour pour 6 heures de travail, moi qui n'ai pas encore 10 ans. Le reste du temps, j'apprends à lire, et je joue dans un vaste préau que je vais vous montrer. Nous sommes comme cela plus de 50 occupés à transporter des bobines d'un endroit dans un autre. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez en faire autant, presque sans apprentissage. Si cela vous convient, vous verrez le contremaître. Il vous casera tout de suite, car on a besoin d'enfants. Attention et suivez-moi. Pour qu'on vous laisse entrer, je vais dire que vous êtes mon cousin et ma cousine de Petit-Bourg. Seulement, pas de bêtises, on ne touche à rien ici. Mes amis suivirent le jeune ouvrier. L'aspect de ces vastes bâtiments, de ces hautes cheminées, de tout ce monde, le bruit des machines en mouvement, l'ordre qui régnait au milieu d'une activité étourdissante, l'immensité des salles, le nombre incalculable des métiers, leur fit d'abord perdre la tête. Ils ne voyaient rien à force de regarder. « C'est ici qu'on file le lin et le chanvre, » leur disait leur cicérone. « Là qu'on les tisse, plus loin, on fait de la toile ouvrée. Dans ce grand bâtiment, où nous nous rendons en ce moment, on fabrique des tissus de coton. À côté, on les imprime. » Lorsque le jeune ouvrier les fit entrer dans la salle où ils travaillaient, ils éprouvèrent une sorte de déception. La vue de ces enfants, mal vêtus pour la plupart, qui se livraient à un travail sérieux et gagnaient consciencieusement leurs 75 centimes, ne leur dit rien à l'imagination. L'idée d'être domestique dans des maisons où il n'y a rien à faire les flattait bien davantage. « Moi, Dieu, mais je trouve que ça sent mauvais ici. »« Si tu y tiens, » fit en riant le jeune ouvrier, « on parfumera la salle avec de l'essence de rose. » Le mot de mijaurée fut prononcé par quelques gamins. Mes amis, sur la proposition de leur introducteur, s'arrêtèrent près d'un métier pour voir comment se faisait la toile. Mais cela ne les intéressa point. Ils n'y comprenaient rien. « Retire-toi donc, Aimé, » cria tout à coup César. Il y a de l'huile après toutes ces mécaniques, et tu en mets à ton tablier. » Tous les jeunes garçons qui se trouvaient dans la salle se retournèrent. On commença à regarder mes pauvres amis de travers. « Allons-nous-en, César, » dit enfin Aimé. « Il y a trop de poussière ici. Nous n'y saurions durer. Décidément, j'aime mieux que nous soyons domestiques dans des maisons où il n'y ait rien à faire. » « Fallait donc le dire tout de suite, » s'écria le jeune ouvrier en colère. « Vous voulez être larbins, vous autres? Alors qu'on détale, et plus vite que ça. » À ce mot de larbin, un haro s'éleva dans la salle. « T'as de ça dans ta famille, toi » s'écria-t-on. « Non pas, s'ils étaient de ma famille, je les renierais. Mais ils n'en sont point, Dieu merci. Ils étaient sur la route et se disaient sans ouvrage. Je leur ai proposé d'entrer ici, ils ont accepté. Pour qu'on ne leur fît pas de difficultés, je les ai fait passer pour mes parents de petit bourg. Voilà tout. Les pauvres enfants ne savaient comment échapper aux moqueries de ces gamins qu'ils avaient offensés sans le vouloir. « Vous n'avez donc pas de sang dans les veines, » disait l'un. « Ni de moelle dans les os, » ajoutait l'autre. « Madame craint de gâter ses habits. Monsieur veut porter perruque. Je comprends ça, moi. Ça tient chaud l'hiver. D'abord, et puis ça vous pose, quand on a de l'ambition. » Un contremaître dut protéger la sortie de mes pauvres amis, qui étaient tout à fait incapables de se défendre, et ne comprenaient rien à la vanille qu'on leur faisait subir. Ils rentrèrent tristement à l'auberge, où Sabin faisait répéter Balthazar. Sabin avait découvert que Balthazar était un artiste comme lui, et il voulait connaître tout son savoir-faire pour en tirer parti dans l'intérêt de la communauté. Le caniche, voyant ses maîtres affligés, quitta tout pour les caresser. « Bon, qu'y a-t-il ? » demanda Sabin. Ils racontèrent leurs mésaventures. « Laissez-les dire, » fit le jeune saltimbanque, « avec ça qu'ils sont jolis et qu'ils ont bonne mine. Vous faire ouvrier de manufacture, comme ce serait spirituel. Qu'ils viennent tout à l'heure sur la place, et je leur montrerai, moi, la bonne manière de gagner sa vie. » À midi et quelques minutes, le fils de l'illustre Lucifer, ou Monsieur Dussault, selon l'occasion, jouant du fifre, se promena comme à la veille, suivi de César, qui portait toujours le précieux sac, d'Aimé, de Balthazar et de tous les vagabonds de la localité. C'était justement l'heure du repas pour les fabricants qui étaient tous sortis, excepté les enfants qu'on obligeait à jouer dans le préau. En moins de 5 minutes, une foule compacte entoura nos aventuriers. Sabin répéta le même boniment et les mêmes exercices que la veille. Puis Balthazar, à son tour, paya de sa personne. La recette fut magnifique. Sabin, de retour à l'auberge, commanda un déjeuner copieux. Nos amis qui avaient grand faim mangèrent encore sans retenue, et le soir, comme il n'y avait déjà plus d'argent, on coucha dans une étable entre 2 vaches et 1 âne. C'est ainsi qu'ils vécurent pendant 1 semaine. On s'arrêtait tantôt dans une ville, tantôt dans un village, pour y donner des représentations plus ou moins lucratives. Et toujours on cassait le pot après avoir mangé le beurre, comme disent les bonnes gens de la campagne, en parlant des imprévoyants, qui dépensent l'argent à mesure qu'ils le gagnent. César et Aimé s'accoutumaient assez bien à ce genre de vie. De temps à autre, cependant, il leur passait comme un nuage dans l'esprit. C'était le souvenir de ce qu'avait dit le père Antoine. Mais le père Antoine était-il si loin? Vous le dirai-je, mes petits lecteurs? César maintenant dormait d'un sommeil profond et ne rêvait plus des choses qui occupaient si fortement son jeune esprit dans ses jours de misère. La campagne, cette belle campagne que le bon Dieu lui faisait voir, ou revoir en dormant pour le consoler, ne l'intéressait plus. Il n'y pensait jamais. Comme Sabin, il considérait maintenant toute chose au point de vue de la recette et disait avec son ami « Ici, il n'y a que des paysans, pas de chance. Ou bien, voici une ville, bonne aubaine. » Puis on bâtissait des châteaux en Espagne pour les temps fortunés où l'on serait domestique dans une maison où il n'y aurait rien à faire. D'un autre côté, on ne craignait plus les gendarmes. Le papier de leurs compagnons mettait nos vagabonds en sûreté. Ils se protégeaient les uns les autres. Et les jours se passaient. Quant à Balthazar, ses détails lui importaient peu. Il marchait toujours en avant, prenant le chemin qui lui plaisait, quitte à revenir sur ses pas lorsque Sabin voulait aller d'un autre côté, ce qui n'avait lieu que rarement, car le chemin du saltimbanque paraissait être celui du caniche. Pourtant, il arrivait bien, quelquefois, qu'on était obligé, pour se procurer de l'argent, de se détourner à droite ou à gauche. Balthazar, malgré une opposition sérieuse, qui se manifestait comme toujours par des fuites plus ou moins prolongées, finissait infailliblement par céder. Sabin avait appris à mes amis que ce n'était là qu'une feinte de la part du caniche, et leur avait démontré qu'il n'y avait pas lieu de s'en préoccuper. L'expérience lui avait donné raison. C'est ainsi qu'on perdit 1 semaine à Corbeil, à Melun et à Milly, mais nos aventuriers n'étaient pas gens pressés. La vie leur apparaissait si longue, et ils voyaient devant eux un si grand nombre d'années, qu'ils pensaient bien avoir le droit de gaspiller un peu le temps présent. Et d'ailleurs, pourquoi se serait-il pressé ou inquiété, puisque Sabin devait les placer chez son ami intime, le prince de Rochemoussu? Leur sort n'était-il pas fixé?